pain sur mes plates-bandes. Cesse tes blabla. Je sais que mes placements de flow charment tes tympans. J'avance à chlasse dans le dos. Mon esprit se balade dans des coins sales et vachement glauques. Faut qu'on s'évade sans doute. Que les bouchons de bain chanceaux. J'ai les malchanceux. Black, blanc, beurre, qu'au pas de gens. J'mets gravement le fun. La haine chante sur un battement de cœur. Mes nerfs pètent en une fraction de seconde. Et dans ces moments, j'me soucie vaguement de ce monde. Même si j'avoue qu'il me fout les jetons. Quand des foules explantent, même pour une boulette blonde. Sans bouée, j'plonge et touche le fond. Vas-y, pousse le son, qu'ils lâchent tous une goutte de sion. Pendant qu'ils claquent des sous, on vient tout piller. V'là les ouf, une plaque dégoût comme bouclier. Vénère à la poutre qu'aime clic, mais sans le pare-balles. On parle pas la bouche pleine, bitch. J'rappe par amour, pas là pour plaire à la jet. Laisse les canes violemment de la chenouf dans le pif. On a tous grandi, plus ou moins, mais quand nos phalanges flambent, tu sais que le flou se prend vite. La panne d'un spi me coupe l'envie d'un slip de blues. Du coup je m'enivre, une taille boue me pousse dans le vide. J'ai le blues, mais ça c'est plus un scoop. Comme le fait que j'en ai rien à secouer de la school. Ni du taf, à bientôt 20 piges. Mes rêves ont déjà plein de rides. Et ma déprime a pris du poids. Faut que je reprenne du poil de la bête. Sans boire de la belle fight. Dès l'après-midi, le voie de l'abri. Écartez la thèse de l'accident. J'ai extrait une balle de la tête froide. Des balles de la paix. Ils ont colmaté la brèche, pas de lueur. À part les phares de la Benz d'un cadre dont je gagne le quart de la paye. Marre de la dèche, de cracher le sky de la veille. Ou de protéger mon crâne de la verve. Bref, ils ont déclaré la guerre. Je viens éclater la caisse claire. Éclater l'affaire, mec, j'ai largué la tête nucléaire. Vu que des MC bas de gamme, j'acte bêtement. Moi j'ai le rap comme traitement. La zik, ma thérapeute, man. Je veux du high tech, mais là j'ai le mode de vie des pierres à feu. Pas le temps de faire un vœu. À chaque étoile filante, on débute à peine. On prévoit déjà le bilan. Ex-élève, régal, citron. Le palpite en plein ciment. Mais qui déballe ce qu'il pense. Fatigué, mais pas guidé par d'illégales substances. Il débarque en scred et son rap surprend. Et spécial dédicace. Et on n'oublie personne, personne. L'équipe de StiTJ. Et Mehdi Akas Dem Alban l'acrobat. Christo gueule d'ange. Et Romain Warrior, l'homme au gros bras. Et Twitter, le frangin DJ Malkis. Et Niki Toko. Et le travailleur de chez nous, hein. Le mec au t-shirt, le mec qui fait tout, Niki Toko. Y'a Serge Moukoko, les anciens Z, y'a Jean, y'a Nels, y'a Nelson Sexbomb, y'a Rolly Z Unit, président Junior Mobutu, eh, hein, frère Paco, eh, hey, Mamu, eh, hey, Feu, eh, hey, Drill Hasselhoff, Marginal Darpé, eh, hey, DJ Lely, eh, hey, négro, Dumba Hasselin, Dumba Hasselin. Dumba Hasselin, Hasselin, Hasselin, Hasselin, Hasselin.